Donc, je m'appelle Nicolas Gompel, je suis chercheur, je suis chargé de recherche au CNRS, je co-dirige un labo, une équipe de recherche avec Benjamin Prudhomme, que j'ai rencontré quand on était aux États-Unis en stage postdoctoral dans le même laboratoire. Quand on regarde la diversité des caractères morphologiques chez des animaux, donc par exemple, on peut penser à des motifs... nous, on travaille sur des motifs de pigmentation sur les ailes de mouche, donc ça peut être ça, mais ça peut être d'autres caractères qui décorent des animaux, par exemple. Ce qu'on voit, c'est une correspondance... Il y a trois niveaux, on pourrait dire trois niveaux de complexité biologique différents. Il y a le premier niveau qui est de voir le caractère et ses variations. Donc par exemple, des taches de pigmentation sur une aile de mouche. Donc chez une espèce, ça va être une tache. Chez une autre espèce, ça va être deux taches. Chez une troisième espèce, ça va être une bande, une rayure, etc. Et puis des variations sur ce thème-là. Donc ça, c'est la morphologie. C'est ce qu'on voit. Ce qui sous-tend la formation de ces caractères, c'est l'expression de certains gènes. Donc dans le cas qui nous intéresse, les gènes en question, ça va être des enzymes, par exemple, qui forment les pigments. Et ce qu'on trouve, et qui est quelque chose de très général pour tous les caractères, c'est que il y a une correspondance souvent parfaite entre la distribution d'un gène au moment où l'organisme est en train de se construire, dans ce qu'on appelle le développement embryonnaire ou post-embryonnaire, et la version adulte du caractère. Donc si je reviens aux ailes de mouche avec des taches, on peut imaginer... Donc si on imagine une aile de mouche, d'une mouche adulte avec un point noir au bout de l'aile, eh bien on va trouver pendant le développement de la mouche, à un moment où l'aile est encore en formation, où elle n'a pas encore produit de pigments, où elle est encore même toute repliée, si on déplie cette aile et qu'on arrive à détecter le produit de certains gènes, on va les trouver distribués d'une manière qui préfigure la tache de pigmentation qu'on verra chez l'adulte. À un moment où il n'y a pas encore de pigmentation. Mais c'est simple, l'idée c'est le gène est là, et parce qu'il est là, il va permettre de produire de la pigmentation à cet endroit-là. Donc finalement, l'idée, c'est vraiment une idée qui a émergé au cours des 15-20 dernières années, c'est que le produit final, le caractère dans sa version finale, est préfiguré par l'expression de gènes pendant le développement embryonnaire. D'accord ? Donc si on a, une épine ou une feuille qui va se former à un endroit sur une plante, c'est parce qu'à un moment, il y a un ou plusieurs gènes qui vont être exprimés dans un petit groupe de cellules qui va donner la feuille. Pour la pigmentation, ça va être, donc là c'est vraiment de la décoration, sur une aile déjà formée mais qui n'a pas encore de décoration, donc on n'a pas encore fait la peinture, il y a les murs mais il n'y a pas la peinture, il y a des gènes qui vont permettre la production de pigments à cet endroit-là. Donc caractère, c'est le niveau, le premier niveau de complexité biologique, le caractère. Le deuxième niveau, enfin si on descend d'un cran dans la complexité biologique, il va y avoir les gènes qui préfigurent ce caractère. Le troisième niveau, c'est comment ces gènes vont se trouver produits à cet endroit et à tel moment pendant le développement. Et là, on va arriver à ce qui, pour nous, est le cœur de la question, c'est des éléments régulateurs de ces gènes, donc on va en reparler, on va parler de ce que sont les éléments régulateurs, qui vont dire où et quand, donc c'est des bouts dans la séquence d'ADN, c'est des bouts dans le génome autour des séquences codantes qui vont déterminer où et quand le gène est produit. Et en fait, l'activité de cet élément régulateur, c'est ça qui va donner la distribution particulière du gène. Et il y a vraiment une correspondance entre ces trois niveaux, le caractère, la distribution du produit du gène et l'élément régulateur, l'activité de l'élément régulateur qui va être localisée dans le temps et dans l'espace. Donc voilà un peu la façon de poser le problème, et du coup l'idée c'est que, donc là c'est pour les aspects développementaux, pour l'aspect évolutif, et c'est ça qui va nous intéresser, l'idée c'est de savoir comment un caractère change, donc par exemple comment dans le cas qui nous intéresse au laboratoire, comment une tache de pigmentation apparaît sur l'aile d'une mouche, donc ça c'est le niveau supérieur de la complexité, et bien ça va se traduire au niveau de la distribution des gènes par le fait qu'on va avoir des mouches qui n'ont pas de tache mais qui ne produisent pas les gènes qui donneraient la tache dans une partie de l'aile donnée, alors que leur cousine qui ont une tache, on va trouver pour celle-là le gène de pigmentation prédistribué dans la partie de l'aile qui va former la tache. Et au niveau des éléments régulateurs de ces gènes, qu'on appelle aussi, on va trouver ça sous le nom de enhancer, eh bien, on va trouver dans l'espèce qui n'a pas de tache, on va trouver une version qui a une activité de base, par exemple, dans toute l'aile, ou qui n'a pas d'activité. Pour l'espèce qui a la tache, on va trouver justement un élément régulateur qui maintenant va permettre de déclencher l'expression du gène de manière localisée dans une partie de l'aile. Et la question pour nous, c'est de comprendre comment, au cours de l'évolution, le génome a intégré des changements qui font que maintenant, on avait un élément d'ADN, un enhancer, un élément régulateur qui n'avait pas d'activité particulière, et maintenant il a une activité particulière dans l'espèce qui a une tache. Comment s'opère cette transition ? Et donc, on le regarde dans un cas particulier qui est l'évolution des taches de pigments sur les ailes de mouche. Donc en soi, c'est très anecdotique, mais on pense que le modèle qu'on utilise peut être conceptualisé et peut avoir une valeur beaucoup plus générale qui permet qui est extrapolable à d'autres caractères morphologiques. Et on peut en tirer un principe de dire, voilà, si on arrive à comprendre comment apparaît une nouvelle fonction régulatrice, comment apparaît un nouvel élément régulateur dans un cas, eh bien on pourra avoir des idées de comment ça se passe dans d'autres cas. Là, peut-être qu'il faut faire un petit détour, ou en tout cas une petite parenthèse, et expliquer ce qu'est... Enfin, ce qu'on sait de la structure des gènes, même s'il n'y a pas de réponse définitive, on trouve des cas particuliers, mais on va essayer de brosser un espèce de portrait du gène générique, même si c'est un peu caricatural. Mais l'idée, c'est que un gène code pour une protéine, et que quand on va regarder au niveau de l'ADN, donc dans le génome, on va trouver des parties qui sont des parties codantes. Donc en fait, c'est simplement, donc on a un alignement de paires de bases, hein, des A, T, G, C. Et certaines parties de cet alignement de paires de bases va correspondre à la séquence protéique, va coder pour la séquence protéique du gène. Alors des fois c'est en continu et des fois c'est en plusieurs morceaux qu'on va appeler des exons et qui sont séparés par des introns. Et donc l'idée c'est que quand l'ADN va être transcrit, donc l'idée c'est que l'ADN c'est un enchaînement de paires de bases. Au niveau d'un gène, on va avoir plusieurs milliers un espèce de collier de plusieurs milliers de ces paires de bases à la queue leu-leu. Et la première étape d'expression du gène, c'est sa transcription. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'ADN, le génome représentait une bibliothèque, et on va aller photocopier une page d'un livre dans cette bibliothèque, et ça va correspondre à un gène. Et la photocopie, au niveau biologique, ça va être ce qu'on appelle un ARN messager. Donc en fait, c'est une molécule qui va être complémentaire d'un bout du génome, d'un petit morceau, d'un alignement de ces paires de bases. Et cette molécule-là, elle va ensuite sortir du noyau de la cellule. Donc la photocopie, le recopiage, la production de cette molécule, ça va se passer dans le noyau de la cellule. La molécule va sortir du noyau de la cellule et va être ensuite traduite en une protéine. Donc on va passer d'un ARN qui est un acide nucléique en une autre sorte de molécule qui va être une protéine. Donc là, on parle de la production de l'ARN. Donc la toute première étape de l'expression du gène, c'est la production de cet ARN. Et l'idée, c'est que ça va être une copie de la séquence codante, principalement, donc de ce qu'on appelle les exons. Même s'il y a une première étape où on va copier les exons et puis des séquences qui sont entre les exons qu'on appelle des introns, mais ensuite les introns vont être éliminés. Au bout du compte, on va avoir simplement la séquence codante. Donc ça, c'est la partie qui va être exprimée à proprement parler, qui va permettre, in fine, de produire la protéine. Maintenant, pour produire cette molécule-là, il va y avoir des instructions qui vont dire à quel moment on la produit et à quel endroit on la produit. Parce qu'il faut bien réaliser qu'au niveau du génome, donc si on prend le génome d'une mouche, il va y avoir à peu près 12 000 gènes. Si on prend le génome humain, ça va être quelques milliers de plus, mais pas beaucoup, beaucoup plus non plus. Tous les gènes ne sont pas exprimés au même moment. Même si chaque cellule possède une copie de chacun des gènes, tous ces gènes ne sont pas exprimés en même temps. Il y a une régulation, il y a un contrôle dans le temps et dans l'espace pour dire à quel moment et à quel endroit les gènes sont exprimés. Et donc, si on est dans une cellule donnée, si cette cellule exprime tel gène, le gène X, eh bien c'est parce qu'il y a des instructions dans l'ADN autour de la partie qui correspond à la séquence codante qui vont dire on exprime le gène dans la cellule en question. Donc nous, c'est ces instructions-là qui nous intéressent. Donc ces instructions sont les éléments régulateurs. Quand on regarde, si on lit une séquence d'ADN, on ne peut pas a priori, on peut pas simplement en lisant dire « Ah tiens, là, on a une séquence régulatrice ». En fait, la seule façon directe de le savoir, c'est de tester l'activité d'une séquence régulatrice. Et on a un arsenal expérimental qui permet de faire ça. On va peut-être passer sur l'arsenal expérimental, mais enfin, on peut arriver à repérer dans le génome d'un animal, ou d'une mouche, ou d'un homme, on peut arriver à repérer des morceaux qui... Donc, on peut arriver d'abord à repérer où sont les parties codantes, et ensuite, on peut chercher autour de ces parties codantes les parties régulatrices. Il faut savoir que l'essentiel du génome est non codant. La partie codante, c'est moins de 5% de toutes les lettres, toutes les paires de bases qui constituent le génome. Et dans ce fatras de non-codants, la partie qui est régulatrice, elle n'est pas très grande. C'est pas tout le reste qui est régulateur. Donc il faut arriver à trouver, à identifier là-dedans ce qui est régulateur. Donc il y a plusieurs techniques qui permettent de le faire. On n'a pas encore de technique définitive qui permette simplement en lisant une séquence ou en passant une séquence dans un programme de dire voilà, l'élément régulateur il est là, il commence là, il s'arrête là. On ne sait pas faire. Mais on a d'autres techniques pour, au bout du compte, arriver à isoler des éléments régulateurs. Et quand on isole un élément régulateur, on peut commencer justement à s'intéresser à son activité. Et là, pour ce qui nous occupe, il y a deux aspects, il y a deux questions principales. La première, c'est de savoir comment cette séquence de paires de bases va vraiment d'un point de vue mécanistique va dire où et quand le gène s'exprime. Donc comment marche cette machine qui est un petit bout d'ADN, en général c'est quelques centaines de paires de bases, donc c'est pas très gros par rapport par exemple à une séquence codante qui va être souvent plus grande que ça. Un élément régulateur qui va dire à un gène de pigmentation de s'exprimer dans telle partie de l'aile à tel moment du développement, bah ça peut être moins de... ça peut être 600-700 paires de bases, quoi. Donc, où est l'information dans ces 600 ou 700 paires de bases qui va dire où et quand on produit le gène ? Donc ça, c'est la première grande question qui va nous occuper. Et la deuxième grande question, ça va être de savoir comment cet élément va changer d'activité au cours de l'évolution. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des espèces dans lesquelles ce petit élément d'ADN va être inactif, et pourquoi il y a d'autres espèces où il va être actif et donner une certaine activité, et pourquoi dans d'autres espèces encore il va donner une activité différente, il va diriger de l'expression dans une autre partie de l'aile par exemple. Voilà, donc l'idée c'est comment est-ce que ça marche et comment est-ce que ça change au cours du temps. Ça c'est les deux grandes questions. Alors la question de comment est-ce que ça marche, elle est importante. Alors pour nous elle est importante pour notre système, mais encore une fois l'intérêt peut paraître limité pour les biologistes, mais c'est une question qui est beaucoup plus importante à l'échelle de la biologie, parce que ça parle de l'expression des gènes, et que l'expression des gènes, c'est vraiment le cœur de la plupart des processus biologiques. Et il n'y a pas vraiment un cas où on sait comment un élément régulateur fonctionne. D'abord, est-ce qu'il y a des règles qui sont vraies pour tous les éléments régulateurs ? Est-ce que l'expression d'un gène donné chez une mouche va avoir quelque chose en commun avec l'expression d'un autre gène chez l'homme? Donc voilà, ça c'est des choses, on sait un peu, mais on ne sait pas à quel point les principes de fonctionnement sont génériques. Donc ce qu'on sait qui est générique, enfin qui est universel, c'est que un élément régulateur, donc c'est une série de paires de bases sur la molécule d'ADN, et cette série de paires de bases, elle va être reconnue par des protéines particulières qui sont dans le noyau de la cellule, qu'on appelle des facteurs de transcription. Donc il va y avoir une liaison des facteurs de transcription, donc simplement, donc c'est pas des liaisons covalentes, hein, c'est des liaisons par des forces faibles. Un facteur de transcription donné va reconnaître une certaine séquence que va avoir cet élément régulateur, ce qu'on va appeler un site de liaison pour ce facteur de transcription. Et le fait que ce facteur de transcription se lie à cet élément, ça va déclencher quelque chose de particulier au niveau du gène, ça va pouvoir déclencher sa transcription. Alors comment est-ce que ça va déclencher la transcription? Au niveau du gène, à proximité du début de la séquence codante, il y a une petite séquence qui n'est pas forcément la même, mais qui existe pour tous les gènes, qu'on va appeler le promoteur de base. Et ce promoteur de base, c'est un endroit où va s'accrocher une molécule très importante, une enzyme très importante qu'on appelle la polymérase. Et c'est cette polymérase qui va vraiment fabriquer l'ARN, donc la photocopie du gène. Seulement, la polymérase, même si elle est capable de se mettre en position et qu'elle est prête à initier la transcription du gène, tant qu'elle n'a pas le bon signal pour démarrer la transcription, elle ne va pas faire grand-chose, elle va rester en place. Et le signal, finalement, le coup d'envoi, va être donné par l'ensemble que forment éléments régulateurs et facteurs de transcription. Donc cet ensemble éléments régulateurs et facteurs de transcription, ça va agir vraiment comme un interrupteur qui va déclencher l'activité de la polymérase et qui va déclencher la transcription du gène. L'élément déclencheur, finalement, en résumant, en court-circuitant un peu, l'élément déclencheur de la transcription d'un gène, ça va être la formation de cet interrupteur qui est formé d'une part par l'élément régulateur au niveau de l'ADN et d'autre part les facteurs de transcription qui vont venir s'y accrocher. À partir du moment où un facteur de transcription, en fait souvent c'est pas un mais c'est une combinaison particulière de facteurs de transcription viennent s'assembler sur un élément régulateur, ça va donner le coup d'envoi de la transcription du gène. Alors, il y a plusieurs problèmes. D'une part, il faut que dans la cellule, ces facteurs de transcription soient présents. On peut imaginer que ce qui fait qu'un gène va être exprimé dans un tissu donné mais pas dans un autre, c'est le fait que ces facteurs soient présents ou pas. Et c'est ça qui fait que l'ensemble des gènes n'est pas exprimé dans une même cellule. C'est simplement que les bons facteurs pour donner le coup d'envoi vont être présents ou absents qui va faire la différence. Donc ça, c'est un premier niveau. Par exemple, pour rendre les choses un peu concrètes, pendant le développement d'un embryon, on va avoir un tissu qui va être un tissu précurseur de muscles. Donc toutes les cellules de ce tissu vont avoir une information, vont avoir une identité particulière, et cette identité, elle va être donnée par le fait qu'il y a certains facteurs de transcription, elles possèdent et elles expriment certains facteurs de transcription. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais elles expriment certains facteurs de transcription qui leur donnent une identité de futur muscle. Le fait d'exprimer ces facteurs de transcription, ça va faire qu'elles vont pouvoir exprimer des gènes qui vont les transformer en muscles. Pourquoi ? Parce que ces facteurs de transcription vont aller reconnaître des éléments régulateurs de gènes de muscles, par exemple des éléments régulateurs de la myosine ou de gènes qui vont vraiment permettre la différenciation aux muscles. Et du coup, c'est comme ça qu'on va passer de l'état d'engagement vers une destinée de muscle à un vrai muscle avec les vrais constituants du muscle. Donc c'est simplement parce que ces cellules possèdent des facteurs de transcription et que ces facteurs de transcription particuliers et que ces facteurs de transcription particuliers vont déclencher tout le programme de la formation du muscle. comment va s'assembler un facteur de transcription ? Comment un facteur de transcription et un élément régulateur vont s'assembler ? Donc, premier point, il faut que l'élément régulateur ait des sites reconnus par le facteur de transcription en question. Il faut que le facteur de transcription soit présent dans la cellule. Alors, en fait, souvent, c'est pas une réponse oui non, en fait c'est une réponse quantitative, c'est-à-dire que s'il y a une molécule de facteur de transcription dans la cellule, la probabilité que ce facteur de transcription trouve l'élément régulateur, ou en tout cas le temps pendant lequel le facteur de transcription va être attaché à l'élément régulateur, il risque d'être très réduit, et du coup ça va pas suffire à exprimer le gène à un niveau suffisant. Maintenant, s'il y a une concentration importante de ce facteur de transcription, le temps d'occupation de l'élément régulateur va être élevé, et du coup la production du gène va être plus élevée. Donc la première étape, c'est ça, c'est vraiment, est-ce que l'élément régulateur qu'on regarde a des bons sites pour un certain nombre de facteurs de transcription, et est-ce que ce facteur de transcription ou ces facteurs de transcription sont présents dans la cellule. Quand bien même ils sont présents dans la cellule, est-ce que l'ADN va être accessible, est-ce que l'élément régulateur va être accessible à ces facteurs de transcription? Il faut garder en tête que l'ADN dans le noyau est empaqueté, est compacté et est très organisé. Et il y a des tas d'équipes qui étudient justement cette compaction et le contrôle de cette compaction. Et en fait, d'une cellule à l'autre, l'ADN n'est pas compacté ou empaqueté de la même manière. Et en fait, cet état de ce qu'on appelle la chromatine, l'enroulement de l'ADN autour de certaines protéines, c'est quelque chose de très dynamique qui va changer en fonction du temps, qui va changer en fonction du tissu qu'on regarde. Du coup, on peut très bien avoir une cellule qui a les bons facteurs de transcription pour reconnaître tel élément de régulateur d'un gène donné, mais la transcription ne va pas se faire simplement parce que l'ADN au niveau de cet élément régulateur est complètement empaqueté et que les facteurs de transcription ne vont jamais accéder à l'élément régulateur en question. Et du coup, le gène ne va pas être exprimé. Alors que dans une autre cellule, cette zone particulière de l'ADN, donc du génome, va être au contraire ouverte et accessible aux facteurs de transcription, et s'ils sont là, et à une concentration suffisante, eh bien le gène va être exprimé. Donc il y a comme ça plusieurs niveaux de régulation, que sont donc le niveau d'empaquetage, pour simplifier, pour schématiser, le niveau d'empaquetage de l'ADN, ça c'est un premier niveau de régulation. Il va y avoir la concentration des facteurs de transcription qui vont reconnaître l'élément régulateur. Et puis voilà, on peut dire qu'il y a ces deux grands niveaux pour commencer. Donc ça, c'est ce qui se passe pour un élément régulateur qui a les bons sites de liaison pour des facteurs qui sont dans la cellule. Ça, c'est ce qu'on sait plus ou moins de la mécanique. Alors on peut en dire un tout petit peu plus pour donner une idée de vers quoi va la recherche dans ce domaine-là. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que certes, les facteurs de transcription vont se lier à un élément régulateur. En fait, une fois qu'on a dit ça, on ne comprend pas pour autant, enfin, on n'arrive pas forcément à se représenter pourquoi ça va déclencher la transcription du gène. Une chose vers laquelle on se dirige, enfin quand je dis on, c'est notre équipe, mais c'est plein d'équipes à travers le monde, c'est de savoir si un élément régulateur donné a une structure particulière, et par structure on va entendre le nombre de sites de liaison pour un facteur de transcription, l'organisation de ces sites de liaison, la direction, l'orientation de ces sites de liaison. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui est important pour déclencher la transcription, pour rendre l'activité de, enfin pour donner une activité à un élément régulateur. La réponse, c'est oui. On sait que c'est oui. On sait que si on met simplement de mettre des sites de liaison pour un certain nombre de facteurs de transcription sur un morceau d'ADN, ça ne va pas suffire à déclencher une activité. Maintenant, quelle est cette structure ? On n'en a à peu près aucune idée. On sait que l'espacement des sites de liaison va jouer un rôle. Maintenant, on ne sait pas fabriquer de toutes pièces un élément régulateur en disant, ben voilà, on n'a pas une recette pour dire si on met 3 sites de liaison pour tel facteur, 2 pour tel autre, dans telle orientation, hop, on va avoir une activité. Ça, on ne sait pas. On se doute que la structure, en fait, on a des preuves que la structure importe. Maintenant, quelle est cette structure et comment on construit cette structure, on n'en sait rien. Cette structure, elle a sans doute à voir avec les interactions entre les différents facteurs de transcription au sein d'un élément régulateur. L'assemblage entre, enfin, le tout que va former la structure 3D que vont former facteurs de transcription et ADN au niveau de l'élément régulateur, quelles vont être les interactions de ce tout-là avec la polymérase au niveau du promoteur basal, tout ça, ça doit être important, mais concrètement, on ne sait pas comment ça marche. C'est vraiment une boîte noire. Et c'est vers ça que beaucoup d'équipes se dirigent, et c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc ça rentre dans le cadre général de comprendre comment est régulée l'expression des gènes. Et pour donner un exemple de pourquoi c'est important de comprendre ça, outre le fait que la régulation des gènes, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment à la base de tout processus biologique. Si on pense par exemple à quelque chose qui concerne tout le monde, enfin qui de près ou de loin concerne tout le monde malheureusement, on pense au cancer. L'essentiel, enfin le cœur de la biologie du cancer, c'est la dérégulation des gènes, souvent par l'accumulation de mutations au niveau des régions régulatrices des gènes. On connaît certaines de ces mutations, elles ont été caractérisées, mais dans d'autres cas, on constate simplement que le gène est dérégulé. On va voir un gène qui se met à être exprimé à très fort niveau, ou qui au contraire est plus exprimé, etc. Et ça va avoir des conséquences pour la cellule. On va avoir des cellules qui vont se mettre à se diviser de manière complètement anarchique, ou bien enfin, il peut se passer plusieurs choses comme ça. Donc le point de départ, c'est dérégulation d'un gène. On ne peut pas espérer comprendre les bases de la dérégulation d'un gène tant qu'on n'a pas compris comment marchait la régulation. On comprend des choses à la régulation des gènes, mais on voit bien que le cœur du processus, c'est-à-dire comment marche un élément régulateur, vraiment en termes mécanistiques, en termes d'interaction protéine-protéine, interaction ADN-protéine, pour l'instant, c'est une boîte noire. Et l'idée, une des approches, et c'est l'approche qu'on a, c'est de prendre un élément régulateur dans un système bien défini, c'est-à-dire bien défini, ça veut dire qu'on sait à quel moment dans le temps et dans l'espace cet élément va être actif, qu'on a bien compris à quelle partie de l'ADN correspondait cet élément, et on essaye de le démonter comme un jeu de mécano. Alors nous, on fait ça vraiment en modifiant paire de base après paire de base pour essayer de comprendre, de dire voilà, si on touche à telle paire de base, quelle est la conséquence sur l'activité de l'élément régulateur, et maintenant telle autre paire de base, quelle est la conséquence, ou bien si on en enlève la moitié, ou bien si on en inverse une partie, et on essaye petit à petit comme ça de comprendre la logique de l'élément régulateur. Donc on fait ça à une toute petite échelle sur un élément régulateur donné, en espérant et on n'est pas les seuls à avoir cette approche, en espérant que si on comprend dans un cas, peut-être que ça va nous permettre de faire des progrès à une échelle plus générale, peut-être qu'on va pouvoir modéliser ça et se dire, ce qu'on a compris dans ce cas-là, on va pouvoir l'extrapoler à d'autres cas. Je vais essayer de vous décrire le processus expérimental d'un bout à l'autre. Dans les années 60-70, les généticiens ont inventé une technique vraiment géniale pour regarder l'activité des éléments régulateurs. Ils ont inventé ce qu'on appelle les gènes rapporteurs, ou les constructions rapporteurs. Alors ça, l'idée c'est que si on regarde dans le génome, si on se place in situ dans le génome, on a la séquence codante d'un gène, et il faut imaginer autour des îlots qui vont autour de cette séquence codante, des îlots dans la partie non codante, qui vont être des éléments régulateurs. Grâce au clonage, grâce aux techniques de biologie moléculaire, on peut découper un de ces éléments régulateurs et Alors que quand il est in situ dans le génome, il va agir sur le gène à proximité. On peut sortir de son contexte cet élément régulateur et le mettre à proximité d'un autre gène qui n'a rien à voir, mais que nous, on va pouvoir voir. Exemple, un gène qui code pour une protéine fluorescente. Du coup, si cet élément régulateur, maintenant, on peut lui faire contrôler l'expression d'une protéine fluorescente, de la séquence codante d'une protéine fluorescente, alors, si on arrive à mettre cette construction-là dans une cellule, on va pouvoir voir si l'élément régulateur en question est actif, la cellule va devenir fluorescente. Donc le gène rapporteur qui est le plus utilisé de nos jours, c'est une protéine qui s'appelle la GFP, pour Green Fluorescent Protein. C'est une protéine qui est sortie d'un... Il y a plusieurs versions de protéines fluorescentes, certaines qui viennent d'algues unicellulaires, d'autres qui viennent d'insectes. Il y a les luciférases qui viennent d'insectes. Enfin, bon, il y a plusieurs protéines comme ça. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir visualiser l'activité d'un élément régulateur en mesurant la fluorescence d'une cellule grâce à la protéine fluorescente qu'elle va produire. Donc à partir du moment où on peut faire ça, donc concrètement, on va cloner un élément régulateur, on va arriver à mettre cet élément régulateur par la biologie moléculaire en amont de la séquence codante d'une protéine fluorescente, et on va prendre le tout et on va le remettre dans les animaux, dans des mouches par exemple, pour ce qui nous occupe, et on va faire des animaux transgéniques, qui vont être des animaux avec un génome normal, mais à ce génome normal, on va avoir intégré une construction avec l'élément régulateur et la protéine fluorescente. Donc maintenant, partout où l'élément, dans toutes les cellules où l'élément régulateur en question est normalement actif, eh bien, toutes ces cellules-là vont être fluorescentes. Donc maintenant, on va donner un exemple concret. Si on prend un élément régulateur d'un gène normalement exprimé dans les muscles, un gène qui va coder pour une protéine constitutive des muscles. Dans le génome, cette protéine va être exprimée spécifiquement dans les muscles, mais si on regarde une mouche à l'œil nu, on va rien voir de spécial à l'œil nu ou à la loupe, on va rien voir de spécial dans ces muscles, autre que le fait que ce sont des muscles. Si on prend l'élément régulateur de ce muscle, qu'on l'accroche à une GFP, qu'on fait cette construction par la biologie moléculaire, qu'on injecte cette construction dans des mouches, qu'on l'intègre, qu'on la réintègre, enfin qu'on l'intègre au génome de ces mouches, eh bien, toutes les cellules dans lesquelles l'élément régulateur est actif, c'est-à-dire toutes les cellules de muscles, vont maintenant être fluorescentes. Donc si on prend notre mouche et qu'on la met sous une loupe binoculaire et qu'on l'éclaire avec une lumière qui peut exciter de la fluorescence, alors on va voir des muscles fluorescents. Donc on va avoir une mouche normale avec des muscles vert fluo. C'est très joli. Et du coup, on va pouvoir dire, ok, notre élément régulateur est actif dans ces cellules-là. Alors maintenant, donc là je vous ai donné un cas concret où j'avais un élément régulateur que je connaissais. Maintenant on peut prendre un élément régulateur dont on ne connaît pas l'activité. Par exemple, on soupçonne que ce qui pourrait être actif dans tel tissu, mais en fait on n'en sait rien. On va prendre ce bout d'ADN, on va l'accrocher à une GFP, une protéine fluorescente, on va le mettre dans des mouches et on va regarder quelles sont les cellules fluorescentes et à quel moment elles sont fluorescentes. Un des éléments régulateurs qu'on étudie le plus au laboratoire, c'est un élément régulateur qui contrôle un gène de pigmentation. Donc le gène en question s'appelle Yellow et il contrôle l'expression de Yellow au bout de l'aile des mouches. Et il contrôle cette expression, donc le gène Yellow est déposé dans les ailes pendant une petite période du développement, vers la fin du développement de l'animal adulte. Du coup, si on prend cet élément régulateur, qu'on l'accroche à une GFP, qu'on met ça dans des mouches, et si on prend les mouches vivantes, qu'on suit leur développement, on va voir le bout de leurs ailes qui s'allume en vert fluo vers la fin du développement, de manière transitoire. On va avoir comme ça une population d'une quelques centaines de cellules qui vont devenir vert fluo, et puis ça va s'éteindre. Et donc on sait que cet élément est actif à ce moment-là. Donc ça, c'est l'élément dans sa version, qu'on va appeler sa version sauvage, sa version native. Maintenant, pour essayer de comprendre l'activité de cet élément régulateur, on va commencer à faire des variations sur cette construction rapporteur. Et des variations, ça va être de muter cet élément régulateur et de voir l'effet des mutations sur l'activité. Exemple, on va faire une première version où on va couper l'élément régulateur en morceaux. L'idée, c'est de se dire, voilà, on a un élément régulateur qui fait 600 paires de bases, par exemple. Si on le coupe en 3 morceaux, est-ce que chacun des 3 morceaux, mettons 3 fois 200 paires de bases, est-ce que chacun des éléments va avoir une activité ? Est-ce que chacun des sous-éléments de 200 paires de bases va avoir la même activité que l'élément de 600 paires de bases? Ou bien est-ce qu'on va trouver un élément qui correspond à une partie de l'activité au bout de l'aile et puis un autre élément, une autre partie? Enfin, l'idée, c'est est-ce que l'activité totale dans le tissu au bout de l'aile, c'est la somme de 3 sous-activités? Ou bien est-ce qu'au contraire, on va trouver qu'un seul des éléments qui à lui seul explique toute l'activité, ou bien est-ce qu'aucun des 3 sous-éléments va donner l'activité? Toutes ces possibilités existent. Peut-être que si on coupe l'élément de 600 paires de bases en morceaux, on va perdre toute l'activité parce qu'il y avait besoin de l'intégrité de cet élément pour avoir de l'activité. Donc ça, on va le tester en réalisant des nouvelles constructions rapporteurs avec, par exemple, les fragments, donc voilà, les 3 fragments pour commencer de notre élément régulateur. Et on va trouver, par exemple, qu'un de ces morceaux, à lui seul, récapitule ce que faisait l'élément de 600 paires de base. Donc ça va être un premier niveau de dissection de cet élément régulateur. Et puis on va pouvoir, comme ça, faire des mutations de plus en plus fines. Une première mutation, ça va pouvoir être de dire, par exemple, si on fait une délétion au milieu de cet élément régulateur, donc on enlève un bout, on enlève, mettons, 30 paires de base au milieu de cet élément régulateur, est-ce qu'on a toujours de l'activité ? Oui, non, bon voilà. Et on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à avoir des mutations extrêmement fines où on se dit, voilà, on va enlever, si on cible tel site de liaison pour tel facteur de transcription, quelle est la conséquence sur l'activité de l'élément régulateur ? Est-ce qu'on va changer l'activité de l'élément régulateur dans le temps, dans l'espace ? Est-ce qu'on va abolir l'activité de l'élément régulateur ? Est-ce qu'on va étendre l'activité de cet élément ? Enfin voilà, il y a plein de possibilités qu'on va pouvoir tester comme ça. Et petit à petit, à travers ces expériences, on va pouvoir essayer de déduire la logique de construction de cet élément régulateur. L'idée, c'est qu'on a la séquence de l'élément régulateur, voilà, on a un fichier où on a vraiment l'enchaînement des paires de bases. Donc maintenant, on a une version de notre élément régulateur qui fait à peu près 200 paires de bases. Donc il faut imaginer, il y a vraiment une dimension monomaniaque dans l'histoire où on passe notre vie à regarder 200 paires de bases au milieu d'un génome qui fait plusieurs centaines de gigas paires de bases. On a notre séquence de 200 paires de bases, de 200 lettres. Donc chaque expérience qu'on va faire, ça va être de dire, voilà, on mute telle paire de bases, quelle est la conséquence ? On mute maintenant telle autre paire de bases, quelle va être la conséquence ? Et on essaye, à partir de ce fichier annoté et des conséquences obtenu dans chaque cas, on essaye de comprendre la logique. On va se dire, on se rend compte que il y a des sites de liaison pour des facteurs de transcription qui vont donner une information spatiale. Par exemple, qui vont dire, voilà, ces sites-là, on va peut-être trouver 3, 4, 5 sites, quand on les touche, on va changer la distribution de l'activité de l'élément régulateur. Il y a des sites, il y a un site, si on le touche, on ne va plus autoriser l'activité de l'élément régulateur dans le tissu, par exemple. Et donc ça, après, on va essayer de replacer ça dans un cadre plus général. Alors on va se dire, voilà, si par exemple on touche un site, finalement on révèle un site qui est nécessaire à l'activité de l'élément régulateur dans le tissu, c'est peut-être que ce site permet, normalement, quand il est là, de garder l'ADN ouvert pour pouvoir laisser les autres facteurs de transcription accéder. C'est une hypothèse à ce stade-là. Il va falloir creuser et faire d'autres expériences pour voir que c'est bien ça. Mais voilà l'idée. C'est chacune de ces expériences va nous, dans le meilleur des cas, va nous murmurer, va nous souffler une hypothèse pour continuer. On se retrouve parfois, et même souvent, avec des choses qui sont au moins en apparence contradictoires. Et là, il va falloir faire des nouvelles expériences pour essayer d'aller plus loin. C'est un fichier Word où on va aligner, enfin on va surligner des bouts de la séquence pour dire voilà, ça c'est telle construction. Donc on va avoir une séquence générique, enfin une séquence unique surlignée par endroit avec les noms des constructions, et on va avoir chaque fois qu'on fait une construction avec une mutation, là on va garder la séquence quelque part. Donc on va avoir un fichier, finalement on va avoir construction A et les 200 paires de base auxquelles ça correspond, c'est-à-dire la séquence normale moins la petite mutation qu'on a fait. Construction B, la même séquence mais avec telle autre partie mutée. Et tout ça, ça va être dans un fichier Word bien souvent. Mais ça, c'est l'aspect séquence. Donc ça prend pas beaucoup de place, c'est un fichier. Ce qui prend énormément de place et qui prend énormément de temps à générer, à analyser, c'est les photographies de l'activité du gène rapporteur. Alors ça, concrètement, comment on fait ? Pour une construction donnée, on va injecter notre construction rapporteur dans une mouche. Quand la mouche va être... Enfin, on va faire un stock transgénique, de mouches transgéniques à partir de ça, et on va aller... Quand les mouches sont au bon stade, on va aller disséquer leurs ailes. Donc les ailes sont dans la pupe, hein, ce qui correspond à la chrysalide pour un papillon. On va aller disséquer leurs ailes. On va aller les regarder sous un microscope spécial qu'on appelle un microscope confocal, qui va permettre de faire des images de toute l'aile et de visualiser la fluorescence en même temps. On va analyser ces images, on va se demander, on va quantifier le niveau d'expression, on va voir si c'est exprimé au même niveau que dans la version normale. On a une lignée de référence qui est notre version avec la construction rapporteur avec l'élément normal, non muté. Et on va comparer ça, on va regarder si les niveaux d'expression sont les mêmes, si la distribution de l'expression est la même, et tout ça, ensuite il va effectivement falloir le formaliser pour pouvoir au bout du compte dire sur notre fichier... telle mutation a telle conséquence. Voilà. Donc tout ça se retrouve finalement sur un fichier Word, va être vraiment concentré en peu d'espace, mais on génère des centaines et des centaines d'images. Donc ça occupe beaucoup d'espace sur des disques durs. À partir du moment où on veut faire une mutation donnée sur un élément régulateur, donc on parle d'une construction, on va dire que si tout se passe bien, en 15 jours, 3 semaines, on a réglé l'aspect biologie moléculaire, donc on a notre préparation d'ADN prête à injecter dans des mouches. L'injection dans les mouches, à proprement parler, ça peut se régler en quelques heures. On injecte dans des embryons, en fait, de mouches, et c'est ces embryons qu'on va laisser grandir. Et... Donc l'injection, si tout se passe bien, en 2 heures, c'est réglé. Et ensuite, on va élever ces embryons et on va récupérer les individus transgéniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais ça va prendre... donc c'est l'élevage des mouches, il n'y a rien à faire, il faut les laisser grandir. Jusqu'à l'obtention de la mouche transgénique, ça va prendre 3 semaines. Et une fois qu'on a notre mouche transgénique, on va attendre de faire un stock à partir de ça. Donc de l'injection jusqu'au moment où on va pouvoir analyser le stock, ça va être 2 mois, à peu près. Et quand on a notre stock... la prise d'image, ça va être donc une session au microscope confocal. Pour un stock donné, ça va être 1 heure, on va dire, pour faire simple. Ça peut être plus, mais ça dépend ce qu'on veut faire avec. Et ensuite, il y a l'assemblage des images, l'analyse. Là, ça dépend ce qu'on veut faire. On analyse en général pas un stock de manière isolée, mais on compare plusieurs stocks. Là, ça peut prendre beaucoup de temps. Toute la partie imagerie, toute la partie analyse d'image, c'est difficile de quantifier dans le temps, parce que souvent on fait une première analyse, on y revient, on applique des logiciels, on applique et on développe des logiciels de quantification. Donc tout mis bout à bout, à partir du moment où on a une hypothèse, où on génère une construction, entre ce moment-là et le moment où on va avoir le résultat à proprement parler, on va dire 3 mois. Nous, on travaille avec des mouches C'est un modèle, on est vraiment privilégié parce que ça va très vite par rapport à d'autres modèles et ça coûte pas cher et on peut lancer plein de constructions en parallèle. On a en permanence un volant de 10-15 constructions en cours et puis ça tourne sans arrêt. Je veux dire, chaque année on génère peut-être 100 ou 150 stocks de mouches transgéniques. Des gens qui travaillent avec des souris, par exemple, qui posent des questions avec des souris transgéniques, qui font des souris transgéniques, ça prend beaucoup plus de temps. Ils ont vite fait de passer 6 mois. 6 mois, c'est plutôt bien quand ça prend pas plus de 6 mois pour obtenir leur lignée transgénique. C'est beaucoup beaucoup plus lourd. L'analyse va prendre plus de temps. Enfin, tout est plus compliqué. Nous, c'est simple, mais ça prend quand même 3 mois pour tester une hypothèse. Alors, comment est-ce qu'on filtre en amont pour savoir si on fait ou si on fait pas une expérience? Parce que malgré tout, une construction de plus, c'est un investissement en temps, en argent, en énergie. Alors, c'est difficile, c'est une question difficile, essentiellement par le jeu de la discussion, c'est-à-dire qu'on se lance jamais à corps perdu dans une construction si on n'est pas absolument convaincu qu'elle a un intérêt. Et ça, il y a un bon nombre d'heures de discussion, donc en l'occurrence avec mon collaborateur Benjamin Prudhomme, ou bien avec les gens de l'équipe. Pour chaque projet, on va discuter, sous-peser le pour le contre, et surtout essayer de se projeter et de se dire si on fait cette expérience, les résultats possibles, c'est A, B ou C. En tout cas, ceux auxquels on pense. Des fois, on se trompe. Des fois, c'est quelque chose qu'on n'avait même pas envisagé. Et on essaye de sous-peser, de se dire, si le résultat c'était A, qu'est-ce que ça nous apprendrait sur notre système? Si le résultat c'était B, qu'est-ce que ça nous apprendrait sur notre système? Souvent, on se retrouve, par ce jeu de construction complètement intellectuelle, on réalise que si on avait tel résultat, si on fait telle expérience, finalement on va pas vraiment pouvoir trancher entre telle et telle hypothèse. Donc c'est pas une expérience très discriminante, et du coup c'est pas une bonne expérience, et du coup on va l'abandonner. En fait, il se passe souvent quelques jours entre le moment où on songe à une expérience et le moment où on lance vraiment cette expérience, cette construction, donc quelques jours où on va sous-peser le pour et le contre. Il peut se passer aussi la chose suivante, c'est qu'on pense à une expérience et on se dit, avant de faire cette expérience, on pourrait peut-être essayer de savoir, on pourrait de manière assez rapide obtenir telle et telle information qui nous dirait si ça vaut le coup ou pas de faire cette expérience. Donc voilà, là il peut y avoir plusieurs autres choses qui sont des expériences moins lourdes que ceux dont je viens de parler, qui est le cœur de ce qu'on fait. Là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, ça a été quelque chose qui est à la fois assez grossier, mais en même temps, on pouvait pas faire beaucoup mieux, mais ça nous a quand même permis d'avancer assez loin. C'est de dire, pour notre élément régulateur favori, on a une version qu'on va appeler sauvage, qui est l'élément régulateur non muté accroché en amont d'une protéine fluorescente. Et ça, on connaît l'activité de cet élément régulateur, on sait qu'il va être exprimé à tel endroit, à tel moment, au bout de l'aile des mouches, suivant une distribution qu'on connaît bien. Et chaque mutation de cet élément, on va pouvoir regarder si elle modifie cette expression dans le temps et dans l'espace. Et on va pouvoir dire, par exemple, alors quand je dis modifie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut abolir complètement l'expression. Donc ça, c'est un premier type d'information. Ça peut modifier le niveau d'expression, c'est-à-dire que la distribution de l'activité va être inchangée, mais ça va être exprimé plus fort ou ça va être exprimé moins fort. Il peut y avoir aussi un changement du pattern, de la distribution. On va pouvoir avoir une distribution complètement réduite. Et donc on va se dire, on a perdu de l'information spatiale. On a perdu par exemple des sites ou de l'information qui disait à quel endroit dans l'espace l'élément doit être actif. On peut étendre la zone d'expression. on a des constructions comme ça où la zone d'expression est beaucoup plus grande que dans la version sauvage. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraisemblablement, il y a sur notre élément des sites répresseurs, des sites qui limitent, qui confinent l'activité à une certaine zone de l'aile. Et si on enlève ces sites, ben du coup, l'élément est maintenant actif dans une plus grande région du tissu. Donc ça, finalement, tant qu'on n'a pas touché à ces sites, on ne peut pas savoir. Ça nous dit vraiment quelque chose sur la construction de l'élément. Mais ça, finalement, c'est plus qualitatif que quantitatif. C'est un petit peu quantitatif, mais ce n'est pas très précis. Petit à petit, on essaye d'aller vers des choses quantitatives et de développer... Des outils qui vont nous permettre de comparer vraiment en pourcentage, par exemple, les niveaux d'expression entre une lignée mutée et une lignée sauvage, ou qui vont nous permettre de comparer la distribution de l'expression, donc de l'activité de l'élément, entre une lignée mutée et une lignée sauvage. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de quantitatif. On va regarder, on va avoir des algorithmes qui vont nous permettre de savoir si par exemple l'expression est ramassée dans une zone de l'aile ou au contraire si elle est étendue dans toute l'aile ou si elle est déplacée dans des régions de l'aile où elle n'était pas dans la version sauvage, etc. Le problème c'est que l'élément régulateur avec lequel on travaille, on est les seuls à travailler dessus. D'autres laboratoires travaillent avec d'autres éléments régulateurs, d'autres gènes qui sont exprimés dans d'autres tissus. Donc il n'y a pas vraiment lieu de partager cette information et d'avoir une annotation commune. Ça serait bien, mais ça se met pas. Par contre, le partage d'informations, il va se faire plus au niveau des principes ou des règles qu'on va arriver à dégager de l'étude d'un élément régulateur et voir si ce qu'on apprend sur la construction d'un élément régulateur, d'autres vont trouver la même chose pour d'autres éléments régulateurs qui retrouvent. Une des choses vers laquelle on tend, on n'y est pas encore, mais on va clairement vers ça, c'est d'essayer de disséquer. Donc on a vraiment investi énormément sur la dissection d'un élément régulateur pour en comprendre la structure, pour en comprendre la logique. Maintenant, on va vers la dissection d'autres éléments régulateurs, par exemple des éléments régulateurs qui ont une activité similaire, pour voir s'ils sont construits de la même manière. Du coup, s'ils sont construits de la même manière, ça va nous donner des informations sur la logique de construction. Ou alors, peut-être qu'on va trouver quelque chose de complètement différent. On va voir qu'on peut arriver à la même activité régulatoire en utilisant des constructions complètement différentes. Construction par construction, j'entends toujours nombre, agencement, orientation des sites de liaison pour les facteurs de transcription. La concurrence, elle n'est pas très pénible parce que, en tout cas pour ce domaine-là, parce que le Graal, ce serait d'arriver à comprendre, à trouver si ça existe, la logique, le code régulatoire, de la même manière qu'il existe un code pour les protéines, pour le codage des acides aminés. On n'en est vraiment pas là, en fait. S'il y a un code, il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus lâche que le code des protéines. Et on en est à l'impression que j'ai, c'est qu'on en est à un niveau... C'est tellement une boîte noire que la compétition est à la fois existe, mais il y a du travail pour tout le monde. Donc c'est plus sur le mode partage d'informations. On échange avec les autres labos, on discute. C'est plus de l'ordre de l'échange d'idées, quoi. L'optique de l'approche comparative. Donc je parlais à l'instant de l'approche comparative pour comprendre la logique de construction d'un élément régulateur. L'approche comparative dont je parlais à l'instant, c'était entre gènes d'une même espèce qui ont une régulation similaire, on veut comparer les éléments régulateurs de ces gènes pour voir s'ils sont construits de la même manière. Une autre façon d'avoir une approche comparative, c'est de dire, on prend le même gène, en l'occurrence, le gène qui nous intéresse le plus, c'est ce gène yellow qui permet de faire des taches noires au bout des ailes des mouches. On prend ce gène yellow, on prend l'élément régulateur de ce gène dans plusieurs espèces, alors soit des espèces qui ont une tache, soit des espèces qui n'ont pas de tache, et on compare cet élément régulateur entre ces espèces. Pour voir, alors par exemple, entre les espèces qui ont une tache, pour voir si l'activité de cet élément régulateur est identique, ce qu'on sait en partie, elle est au moins similaires, voire identiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun à ces différentes versions de l'élément régulateur qui fait une tâche entre ces différentes espèces ? L'idée, c'est que le travail de l'évolution, le travail du temps, c'est de générer des mutations, enfin, c'est d'accumuler des mutations sur les éléments régulateurs et d'ailleurs sur tout l'ADN. Quand une mutation a un effet délétère, elle va être éliminée. Du coup, on va pouvoir regarder si un élément régulateur a conservé une certaine activité, les éléments, les aspects de cet élément régulateur qui sont essentiels à l'activité vont être préservés, alors que ce qu'il y a autour, ce qui n'est pas essentiel à l'activité, va accumuler des mutations. Donc la comparaison évolutive, elle va permettre finalement de faire le tri, elle va aider à faire le tri entre les choses qui sont incontournables pour l'activité de l'élément et les choses qui sont beaucoup moins importantes ou secondaires ou facultatives. Et du coup, ça va nous permettre de... Enfin, ça va nous aider à comprendre la logique, à la fois la structure de l'élément et la logique de construction. Un exemple, c'est de dire, on va trouver au sein de cet élément régulateur chez les différentes espèces, donc les éléments régulateurs, enfin le même élément régulateur chez les différentes espèces, les différentes versions, on va les appeler des homologues ou des orthologues. C'est-à-dire que c'est le même élément régulateur de Yellow, mais il a chez chaque espèce, il va avoir sa version particulière. On va trouver pour chacune des versions que... tel facteur de transcription est capable de se lier à l'élément. Du coup, on va trouver des sites de liaison pour ce facteur de transcription. Est-ce que le site de liaison ou les sites de liaison sont toujours positionnés au même endroit et dans la même orientation sur tous les éléments ? Si la réponse est oui, alors ça veut dire que cette position-là, cette structure-là est importante. Si la réponse est non, alors ça veut dire qu'il y a de la flexibilité, il y a des possibilités de déplacer ces sites sans affecter de manière drastique l'activité de l'élément. Donc ça, c'est une vraie information sur la façon dont est construit l'élément. Et en fait, on trouve des réponses intermédiaires. On trouve que certains sites sont maintenus absolument à une certaine position, ils sont incontournables. Et d'ailleurs, si expérimentalement on essaye de bouger ces sites, on va affecter l'expression, l'activité. On va trouver d'autres sites pour lesquels ça a l'air beaucoup plus la contrainte a l'air beaucoup plus relâchée. Et l'idée, ça va être peut-être d'avoir ces sites, mais leur position ou leur orientation est pas absolument critique. Donc c'est ça qu'apporte la comparaison évolutive. C'est vraiment une façon de filtrer entre ce qui est incontournable pour le processus biologique et ce qui est au contraire soit totalement facultatif, soit flexible. La nature et le temps ont fait les expériences pour nous. La sélection naturelle a opéré un tri là-dedans et en utilisant toutes ces espèces, on a des expériences déjà faites. Et de manière beaucoup moins artificielle que ce qu'on fait avec nos constructions rapporteurs. Les deux sont complémentaires en fait. Bon, en fait, pour l'aspect évolutif, il y a deux façons de regarder. Enfin, pour nous, il y a un double intérêt. D'une part, c'est une façon de s'intéresser à la construction d'un élément régulateur en soi, à la façon dont fonctionne un élément régulateur en soi. Mais on le regarde aussi d'un autre point de vue, qui est de comprendre comment les caractères sont diversifiés. Donc une question purement évolutive qui va beaucoup moins intéresser le reste des biologistes. Enfin, en tout cas, pas de manière évidente, quoi. La question de la diversification des caractères, c'est une question qui intéresse et qui fascine une bonne proportion des biologistes depuis des centaines d'années. Donc, en soi, c'est une question légitime. C'est aussi pour ça qu'on regarde toutes ces espèces. Là, j'ai volontairement forcé le trait en vous faisant croire qu'on était intéressé que par l'aspect régulation transcriptionnelle. C'est vraiment un niveau de question, mais qui correspond une fois de plus à un niveau de complexité biologique particulier. On est tout autant intéressé et excité par le processus évolutif lui-même et... et comment le génome va intégrer tous ces changements. Donc là, on peut vraiment, pour le coup, ignorer pendant quelques temps l'aspect régulation transcriptionnelle et regarder quels sont les facteurs de transcription qui vont être recrutés par les différents gènes. Il y a plusieurs aspects. Finalement, ce qu'on a fait ces dernières années, ça serait même plutôt focalisé, enfin en tout cas dans ce qu'il en sort en termes de compréhension, c'est plus focalisé sur l'aspect évolutif que sur l'aspect régulation transcriptionnelle. On a fait énormément de choses au niveau régulation transcriptionnelle, mais pour l'instant on piétine. On a des idées, mais il n'y a pas de message clair qui se dégage qui nous permettrait de dire tiens, cet élément régulateur est construit de telle manière, il fonctionne comme ci et comme ça, et on a compris quelque chose de général. Non, on n'y est pas. Pour l'aspect évolutif, on pense qu'on commence à comprendre des choses qui ont valeur générale et qui sont assez facilement extrapolables à la diversification d'autres caractères que la pigmentation sur les ailes de mouche.